Marc Laure présente Les Aventuriers de la Lanterne. Une fresque tumultueuse et caustique tirée du jeu Kingdom Death Monster. Une poignée de survivants plongés dans les ténèbres doit combattre des créatures plus abominables les unes que les autres. Vont-ils réussir à passer une année de plus? Une émission, un débrief de session. Bon jeu! Allez, bonjour Rémi. Bonjour Stéphane, ça va? Mais oui, ça va, et vous? On n'a pas du tout passé déjà, de toute façon, 2 heures ensemble. Exactement. Plus de 2 heures. Troisième année de lanterne pour nous, et on a chassé du gibier. Du gibier. Un jeu qui, comme d'hab, nous a assez surpris dans son déroulement et dans les émotions qu'on a pu ressentir sur cette chasse. Je dirais pas mieux. Beaucoup de surprises. On avait battu le même ennemi les deux premières fois. Et du coup, là, ouais, pas mal de mystères et beaucoup d'émotions. Émotions. J'ai pas d'autres mots. On a chassé de l'antilope. Une antilope hurlante. Pas mal de salive et de mastication, comme on le verra dans cet épisode. Est-ce que tu peux, Stéphane, nous présenter un peu cette antilope hurlante? Parce que. Oui. Pourquoi hurlante cette antilope? Alors déjà, pourquoi on va la chasser? Parce qu'en fait, on a besoin de ressources. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'on a sûrement des gros combats qui nous attendent. Et du coup, il est nécessaire d'aller chasser communément pour retrouver des ressources et se substanter, en fait, tout simplement. Et donc, cette antilope, à la base, cette antilope hurlante, elle était dressée par les gobelins pour devenir une simple monture. Et au moment de renifler son maître gobelin, elle est partie, elle s'est enfuie. Et elle s'est retrouvée au fond d'une grotte. Cette antilope qu'on appelle hurlante parce qu'elle a une mâchoire assez étrange, hein, puisqu'elle commence depuis le thorax et finit juste avant l'anus. Donc tout voilà, on a une mâchoire pleine de dents qui nous attend directement au niveau du ventre. Qui réduit aussi le parcours de la digestion, puisque si on mâche près de l'anus, hein, tout de suite, c'est... Ah oui, une digestion assez rapide. Plein de questions anatomiques qui se posent auxquelles, malheureusement, nous n'aurons pas de réponse. Est-ce qu'on ne présenterait pas un petit peu nos players, qui on a emmené dans cette mission? Oh, parce que maintenant, on est obligé de faire des choix, qu'on en a 5, cinq populations. Ah, tout à fait, à cet instant T, en tout cas, puisqu'à la fin, on aura peut-être de nouveaux arrivants, on ne sait pas, peut-être des morts, suspense, on ne sait pas. Suspense. Donc oui. La question s'est posée de savoir qui on emmenait, parce que qui dit nouvel ennemi dit risque de mort, risque de blessures graves, de problèmes. Et la vraie question, c'était de savoir, est-ce qu'on emmenait, en plus de JR, Jean-Robert, en plus de Nabila... Tout à fait. Est-ce qu'on emmenait Pichos, Noobza qui a perdu de mâchoire? Est-ce qu'on emmenait j'ai oublié le prénom de cette pauvre Foufa. Et donc, beaucoup de questions sont posées. On s'est dit qu'on allait emmener Pichos parce qu'il a fait un très très bon combat la fois d'avant. Ouais. Un petit peu de power. Ouais, on avait besoin d'expérience. Et on a choisi donc Noobza, notre cher... Il n'a plus de mâchoire. Et du coup, voilà, c'est ces deux-là qui sont partis de mon côté. Très bien. Et moi, c'était vraiment mes classicos pour le moment. JR et Nabila. Enfin, JR Shining, Coward of the Lion, et Nabila Dingle, Fool of the Antilope. Puisque ils ont des surnoms, ces petits pépères. Et c'est ça qui m'avait donné le plus d'accuracy, je crois. C'est Of the Lion. Oui. On cherchait tout à l'heure, excusez-nous. Oui. Petite on discute. Divergation. Merci. Merci de couper. Non, on ne coupera pas. Il n'y aura pas de coupure. Pour les gens. Ah, vous pouvez passer. Les gens. Sont-ce-vous nombreux? Comptez-vous. Pour nous qui écoutons. Envoyez un SMS au 3131. On est parti avec nos éclopés. Oui. Il n'est pas très très en forme, donc toi tu disais une petite mâchoire en moins. Mâchoire en moins, mais à part ça, bon voilà, elle peut pas consommer potion, mais elle est bien, elle va bien. Elle veut bien. Moi c'est juste le petit dos clopin-clopin de JR qui ne peut avancer que de 3 cases versus 5 pour les personnages normaux. Et c'est à peu près tout. J'ai fait un petit switch d'armes puisque JR ne peut plus utiliser sa hache magique. Donc c'était Nabila qui a récupéré la fonction de porteuse de hache. Ouais. Et est-ce qu'on passe au showdown? Non, juste avant le trajet, puisque... Tout à fait, bien et vu. Oui, puisqu'en fait, son temps. C'est l'intérêt du jeu, c'est que du coup, on n'arrive pas directement dans l'arène à devoir buter l'antilope, c'est qu'il y a tout un petit cheminement, et en fait, en marchant joyeux que nous étions, nous sommes tombés sur un tas de vomi. Tout à fait. Tas de vomi qui... Tout à fait. C'est intriguant. Ouais, et donc il y a un de mes personnages, je crois que c'est Nabila, qui a décidé de farfouiller dans le vomi, qui a gagné plus un de courage grâce à ça. Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on s'en est servi. On s'en fout. Ah oui, non, c'est plus tard, tout à fait. C'est des choses pas que... grave, nous... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a... Dans le jeu, on peut gagner des comment dire, des perks qui vont servir dans les combats. Et il y a des perks qui, en fait, il faut avoir plusieurs niveaux de cette même perk. On cumule les sortes de points sur cette perk pour débloquer à un moment un event en lien avec, avec cette, bah, cette perk. Donc, par exemple, pour le courage, au bout de 3 points de courage, il y a un événement qui s'appelle Bold, qui ne veut pas dire chauve, mais courageux. Tout à fait. Enfin, un peu fou. Bold, ah, d'accord. Voilà, il est franc du collier. Moi j'étais resté sur chaud. Non, c'est juste, t'es tellement courageux que t'as perdu tes. C'est ça, ouais. Et donc dans cette pile, on a trouvé un joli steak d'antilope qui en fait est décrit comme si elle avait rendu un morceau d'elle-même. C'est ça, ouais. En fait, elle s'est retrouvée à vomir. En fait, elle est malade, hein, l'antilope. Et du coup, elle a vomi ce qu'ils appellent des pièces d'antilope. Donc, tel un steak. Ensuite, tu as tiré un random event qui t'a amené à trouver le précieux. Oui, ça c'est génial, oui. Et c'est là qu'on voit que les G2D, ça peut mener à tout. C'est qu'en fait, elle a trouvé un caillou qu'elle croit magique. Du coup, qu'elle a conservé. Alors, c'est un gros caillou qu'elle a décidé de conserver sans le montrer aux autres survivants, cette Noobza. Et sauf qu'en fait, il ne fait rien, ce caillou, à part lui empêcher de se mouvoir d'une case. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'était rigolo quand même, c'était pas méchant, on n'a pas pris de dégâts, mais bon, n'empêche qu'elle se retrouve avec un caillou qui peut l'embêter dans le futur. Ok, très bien. L'événement qui suivait cette petite trouvette de pierre, on l'a expliqué avant la pierre. Mais c'est pas passé grand-chose après, je crois. Non, en fait, random event, et ensuite, si, des dents, oh là là, des dents putréfiées, et JR, qui veut farfouiller là-dedans, se blesse le bras. Mais c'est à peu près tout ce qu'on en a retiré, je crois. Ouais. Pas de win. Donc ça, ces événements, il y a une sorte de grille avec des events, lancer un des 10, de 1 à 2, il se passe ça, de 3 à 4, il se passe ceci, voilà, avec un niveau. Généralement, plus c'est bas, moins c'est bon pour vous. Et ça qui est assez marrant, c'est que quand vous lancez un dé en blind au début, et vous savez que vous tombez bas, le fion se tend un petit peu. Hein. C'est-à-dire que... On sait que voilà, quand on a une blessure grave et qu'on joue sur la table, on sait que si ça tombe dans les chiffres bas, il y a des séquelles, voire la mort. Donc c'est voilà. Et cette partie là était rapide, hein, ça dure 10 minutes. Ouais, parce que quand c'est on est sur le niveau long. 1, il n'y a qu'environ 3 ou 4 cases qui peuvent être activées, et nous voici arrivés devant l'antilope. Alors, comme on vous disait, il y a une chose qui a changé un peu sur ce combat d'antilope, et on va le découvrir petit à petit. Donc on a une zone simple autour de l'antilope, qui est de 6 cases, où on pose des plantes. Ouais. Les héros apparaissent sur une bordure de la map. Enfin, les héros d'ailleurs, les... Survivants. Les survivants, the survivors. Ils n'ont pas la tronche de héros. Tout à fait. Sur le côté de la map. Et il se trouve que l'antilope pèse, mange, enfin se repaît. Ben en fait ouais, c'est si elle peut pas attaquer, si les gens sont trop loin, elle va aller vers ces petites plantes pour se restaurer. Tout à fait. Et se soigner. Et se soigner. Et ça c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'elle soigne jusqu'à 5 points de vie. Oui. Comme vous avez pu le voir dans les combats précédents, enlever un point de vie c'est déjà la croix. Et l'antilope la en avait 10. 10 points de vie, c'est ça. Et du coup, voilà, en récupérer 5, ça peut être la moitié d'un combat foutu en l'air juste pour un jet de dés malencontreux. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est, sur ce premier tour, juste approché. Ah, pardon. Approché. C'est, oui. Peut-être en déféquant, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Mais voilà, on a avancé en tapinois. Et elle, en liberté, elle mange de l'herbe. Et là, on se dit. Quelque chose d'un petit peu off par rapport à d'habitude, par rapport à ce lion qui nous chassait et nous sniffait dès le début. Cette antilope, bon voilà, elle pèse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque. Non, on n'attaque pas sur le premier tour, on retire des plantes. Ouais, parce que comme on est loin, et notre stratégie, quand on a vu qu'elle se restaurait et qu'elle pouvait se healer, on s'est dit on va peut-être aller lui niquer son frigo. Et donc, on l'a pas encore attaqué, mais c'est vrai que ça nous a paru étonnant parce que même au deuxième tour, elle ne nous a pas attaqué. C'est ça. Elle continuait de. de manger comme ça. Mmh. Et à un moment, hop, quand même, toc, toc, toc, toc, toc, petit déplacement comme ça. Ouais. Et un petit coup de sabot, mais petit, hop, ouais, mais gentil, petite pichenette gentil, de sabot au torse. Voilà, tout mignon. Et elle bouffe la caillasse de JR. La fameuse pierre qui est ramassée à la première game du jeu, elle l'a mangée puisqu'elle... Elle devait attaquer, oui. Elle mangeait un point de gear, ils appellent. Donc avec sa grosse bouche, donc ça c'était un petit peu la surprise. On s'est dit tiens, c'est pas du tout la même même logique et le même voilà combat que le premier qui va nous attendre. Beaucoup de nouveautés quoi. Ouais. C'est Nabila. Je me suis marqué un coup de hache. Oh mais... bah là on peut de toute façon faire simple. Hein, parce que moi j'ai quasiment rien fait dans ce combat. J'ai fait peu de choses. Donc au tout début, moi je sais que pendant que mais c'est pas évident, monsieur. Mais je sais que j'ai beaucoup essayé de taper, mais j'ai beaucoup pas réussi. Donc le début du combat, c'était surtout Nabila et Jean-Rob. Ah, mais c'est ça. C'est qu'en fait, mon héros, enfin mon héroïne d'ailleurs, c'est Nabila qui a mis un gros coup de hache dans la gueule de notre ami l'antilope, qui, en réaction, a rué des sabots arrière. Et à repousser, ton héroïne de 5 cases. Il y a de la fléchette. Toi, tu coupes des plantes, si je dis pas de bêtises. Ouais, continues. Moi j'étais pas mal efficace sur les plantasses. Parti en mode désherbant. Non, c'est. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup fait de déco, paysagisme. Et non, moi le premier vrai fait marquant, c'est quand Pichos en fait a eu une première possibilité d'attaquer deux fois. Et croyez-moi, quand on attaque deux fois, c'est ouf. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a eu une histoire de regard pétrifiant, parce que la bête s'est retournée, elle a regardé chelou Pichos qui s'est littéralement une deuxième fois chié dessus. Donc ça, c'est les cartes qu'on tire de manière aléatoire qui racontent en fait ce que fait la bête. Ouais, sauf que généralement, ce qu'on a, c'est... nous, on l'attaque, il se passe des trucs, soit on fait un coup critique, soit on le rate, soit après, c'est le tour du monstre, le monstre nous attaque, il se passe des trucs. Sauf que là, je partais pour attaquer, on était super confiants, et au moment où je vais pour attaquer, et ben là, ouais, l'antilopasse se retourne, et son regard est tellement perçant que du coup, Pichot est complètement pétrifié. Les attaques sont annulées. Heureusement, dans un élan de panique, il fait un geste avec son épée qui touche l'œil de l'antilope, et même si ça lui fait pas de dommage, ça lui enlève pas de points de vie, ça fait un truc qui va être très très très important pour la suite, ça lui enlève un point d'évasion. Et du coup, il vaut moins bien. Et ça va être plutôt pratique pour les jetés de dés suivants. Ça va être assez capital, ouais. Et je crois que juste avant, en fait, c'est là aussi on a découvert un peu la spécificité de la bestiole, elle a gobé un des personnages. Je crois que c'était juste avant. Je suis pas sûr, je ne sais plus. En est-il ? Il s'est passé pas mal de choses dans un laps de temps très très court. Oui, elle est plutôt vorace, parce qu'elle a beaucoup de réflexes. Ouais. Il y a beaucoup d'attaques qu'elle a fait, ou des dégâts qu'elle nous a fait, en réaction à des attaques que nous on faisait. Ce qui a dynamisé pas mal le combat, mais assez passionnant d'ailleurs à vivre. Et donc là, il se trouve qu'elle nous mâche, donc elle avale, elle gobe un des survivants. Dans sa grande bouche. Et là, il y a une série de jets de dés à faire, qui peuvent mener d'un côté à la mort... ou de l'autre à une sorte d'acte héroïque. On a eu beaucoup de chance sur ce premier jet. Oh oui. Un petit point du destin usé comme ça. Et donc le héros a réussi, un, à sortir en arrachant un cœur dans la bête. Qui a des dents lui aussi. Qui a des dents, un cœur avec des dents. C'est-à-dire que toutes les parties de cette bête ont des dents. Oui. Et par contre, il se fait arracher un bout de bras aussi au passage. Il n'a pas gêné trop, c'était juste une petite blessure, une petite éraflure, mais exact. Bon, voilà, il ressortait un petit peu traumatisé, et il est knockdown pour un tour au sol. On se relève, où il y a des échanges de points de survie, que c'est des points qu'on peut utiliser pour relever ou éviter des attaques. Ouais, on a un peu des coups spéciaux qu'on avait oublié les combats d'avant à chaque fois, et des trucs qui peuvent être vraiment pratiques, comme éviter une attaque... je crois qu'on peut éviter et faire se relever quelqu'un qui t'est évanoui. Sachant que je voulais juste préciser, on parle beaucoup de knockdown et knockback. Et du coup, knockdown, c'est on est étourdi pendant tout un tour, donc autant dire qu'on est de la chair à saucisse. Et knockback, c'est un peu moins grave, on est reculé, en fait, de X cases. Donc ça n'a pas on est moins une cible. Oui, parce qu'une des spécificités de ce monstre, c'était de ne pas targeter forcément les gens qui étaient dans son champ de vision tout de suite, mais plutôt de prioriser les gens qui étaient au sol pour les piétiner. Une belle saloperie. Je crois d'ailleurs que Noobza, à un moment, on a fait les frais. C'est ça. En se faisant savater à coup de 5 blessures, je crois. Enfin, 6. 6 blessures. Et ben là, en fait, on est le plus gros, hit du jeu. Parce que du coup, si je me souviens, c'était une attaque de monstre. Qui disait qu'il allait en fait se ruer sur quelqu'un qui était le plus loin, alors que le lion attaquait le plus proche. Donc là, cette pauvre Noobza qui a toujours du sang qui coule de sa mâchoire manquante, elle était la plus loin, et en fait, le nombre de dégâts se multipliait par le nombre de cases que faisait l'antilope. Donc il y avait 5 cases, donc ça faisait 1 dégât plus 5, 6 dégâts. Elle s'est retrouvée avec une jambe en sale état et la tête de mémoire. Après, les dégâts ont été répartis, donc on s'en est, elle s'en est plutôt bien sortie. Ouais, mais en brain damage, elle a pas pris si on peut brain dire. Damage lourd. Non. Et c'était quoi là ? Elle a pris tête et pied. Elle a pris la tête et les pieds. Ah, mais elle était blessée, mais que pour le combat. Mais elle était blessée pour le combat, il n'y avait pas de séquelles. Mais de toute façon, après, ça a été assez vite, je crois, parce qu'il y a jusqu'à quelques belles fléchettes. Ouais, mais. Toi, tu t'es fait aussi. Et bah, moi, Noobza, voilà, moi, Noobza, elle a vécu ce qu'a vécu Jean-Robert, hein, c'est-à-dire une insertion par la bouche de l'antilope. Et sa bouche fion. Ouais, voilà, sa bouche fion. Et là, il s'est passé, ce qui s'est pas du tout passé avec Jean-Robert, c'est qu'elle, elle a été coincée, en fait, dans la mâchoire. Et à partir du moment où elle était coincée, c'était assez horrible. Elle a pas réussi son ouais, elle a pas réussi à sortir. Bon, après, voilà, hein, elle est quand même assez limitée depuis les derniers combats. Et du coup, il fallait, pour qu'elle ait une chance de sortir, qu'elle sorte, il fallait que les autres survivants tapent deux fois dans le même round pour qu'elle puisse à nouveau retenter sa chance. Donc elle, elle s'est fait bouffer. Elle n'est pas morte, heureusement, mais du coup, elle est restée en cellule, peut-on dire, emprisonnée. Et c'est là que, juste derrière, Pichos, qui n'a pas foutu quoi que ce soit, a rien branlé Pichos du combat... Pichos, à nouveau, arrive à avoir deux possibilités de toucher. Il ne touche qu'une fois. Mais ce qui est cool, c'est que derrière, JR balance une fléchette qui permet à Noobza justement d'être régurgité. Tout à fait. On a réussi à faire les deux blessures et c'était sur le fil. Hein. C'était assez beau parce que on a raté une première attaque. Toi, t'as réussi à faire un point de dégâts. Ah, c'est ça. Après, moi, j'en ai raté un. Ouais. Et toi, si tu ratais la fléchette, du coup, Noobza, elle était repartie pour un tour. Repartie pour une petite mastication. Voilà. Alors après, on peut se dire, oh là là, c'est traumatisant. En plus, elle n'a plus qu'une mâchoire. Mon Dieu, elle a la jambe cassée, la tête en vrac. Et figurez-vous que, suite à un pareil, toujours un jeté de dés, elle a beaucoup réfléchi pendant ce temps-là. Du coup, elle a gagné un point de compétent. Puisqu'elle a pu comprendre, à mon avis, certaines choses lors de cet isolement. Donc, qu'est-ce qu'elle avait gagné On s'en fout. Elle a gagné un truc. Un point d'understanding, c'est de. Un point de compréhension. En gros, c'est qu'à un moment, quand on aura 4 points d'understanding, voilà, on pourra aller regarder ce qui se passe sur le top deviner l'action suivante de la créature. Et du coup. Tout l'intérêt de faire plein de combats, de justement faire monter pas mal de petites choses qui après vont amener des événements. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnages. Il y a une balance qui est intéressante dans le bonus-malus, parce qu'on pourrait se dire, comme dans les RPG souvent. Plus ton perso fait des quêtes, plus il est fort. Mais en même temps, nous, plus ils sont forts, plus ils sont estropiés, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'en ai un qui vise mieux, mais qui a moins un de force, qui se déplace plus que 3 cases sur 5. Alors que, après, voilà, quand on prend un personnage neuf, voilà. Il y a vraiment une balance malus-bonus. C'est très dur d'avoir que l'un ou que l'autre. Enfin, c'est plus facile d'avoir que des malus que des bonus. Non, mais là, du coup, c'est vrai que le combat, il était un peu plus facile à partir du moment où le monstre avait perdu un point d'évasion. Ouais. Que du coup les jets de dés étaient moins importants. On touchait sur 5 plus au lieu de 6 plus. Fin... Donc c'est vrai qu'on touchait dans 50% des cas, statistiquement. Et du coup. Oui, grâce à la force de nos armes. Enfin, de la précision de nos armes. Ouais, parce qu'on commençait. On n'est plus de nouveau. Hein. Et donc c'était plus simple, mais c'était pourtant assez long. Parce que. C'était quand même un combat long. Moi, je crois qu'il a duré. Assez long. Ouais, mais plutôt passionnant. Ouais. Parce que de surprise en surprise, en fait, là. Les réactions de la créature étaient intéressantes. On décrivait un peu le combat, mais c'est vrai que ce dont on est rendu compte, et à un moment qui nous a fait un peu réfléchir, et c'était marrant, on s'est rendu compte que pour le coup, on était vraiment en chasse de cette créature, et non l'inverse. Qu'on est des survivants. On n'est pas des gens sympas. Sur les deux premiers combats, on est vraiment chassé par ce lion blanc qu'on a fait. Là, du coup, on disait, allez, il faut se défendre, la créature arrive. Et en fait, non, c'est nous qui l'avons chassé. Pris sa carte, lui indiquait de se barrer, ou quand il y avait des dégâts qui lui étaient faits, la créature fuyait. Et donc, même si elle est dégueulasse, cette créature, on se mettait un peu dans le truc. Ok, là, je suis en train d'essayer de la fumer. Quand voilà, même, en fait, on s'en est rendu compte, parce que normalement, son coup de base, c'est dire, bon, bah, je regarde s'il y a quelqu'un qui est menaçant pour l'attaquer. S'il y a rien, je vais me soigner. Et si vraiment je peux pas me soigner, et nous on avait pété les plantes, et ben je me barre le plus loin possible. Et là on s'est dit, oh pauvre bête, oh le bébé du bébé, il veut pas, voilà. Et ouais, on était un peu mal à l'aise, mais après... Mais ça allait bien avec le lore de la créature que t'expliquais au début, cette histoire de monture qui s'est échappée, et du coup on le retrouve dans son comportement dans le jeu. Enfin, et c'est assez deep en fait, c'est marrant, parce que ça reste des petits bouts de plastique qu'on déplace en tournant des cartes. Mais il y a une certaine cohésion dans le voilà, dans l'histoire. Il y a un petit background, il y a un petit truc, on s'habitue. Non, mais ouais, on peut plus facilement imaginer, en fait, logique, puis ça tient la route. Je me suis noté, petite fléchette dans le museau avant la fin, il reste plus beaucoup de points de vie. Moi, j'ai plus rien fait, donc j'ai rien noté. Donc, j'étais nul, franchement, sur ce combat, mes jets de dés étaient pourris. Non, mais je crois que moi j'ai raté une action et toi ça emmenait ton personnage un peu plus loin. Et puis la bête fuit. Et puis en fait là, elle fuit, mais vers moi en fait. Oui, parce qu'on l'avait accru dans un coin de la map. Tu l'as attaqué et en fait sa seule voie d'évasion c'était vers moi. Et elle a fui dans ma direction. Et là, il y a eu fléchette, une blessure, coup de hache, une blessure. C'en était fini. Ouais. Annule le loot. Elle était morte. Elle fut décédée. Et voilà, c'était un peu malaisant parce que c'est la première fois où on se retrouvait en situation de force comme ça, à se dire, oulala, ça y est, il y a deux possibilités de l'attaquer, elle va sûrement claquer. Est-ce qu'elle méritait de mourir vraiment? On ne sait pas. Elle se débattait quand même. Ouais. C'est pour ça que la joie était, je pense, mesurée. Et qui plus est, en plus, quand on s'est rendu compte que les loots qu'elle nous lâchait, ne permettait pas de nous construire de nouvelles armures, ce qui était quand même un peu le truc le plus nécessaire pour nous. Ouais, parce que l'idée, c'est qu'à la base, on avait le choix peut-être de faire quelque chose de plus costaud, non ? Non, c'était soit le lion, soit on pouvait pas aller sur l'ennemi plus grand, Et nous, on s'est dit, allez, comment, faut se faire des armures, on va aller se faire l'antilope. Et puis bon, l'antilope, elle donne pas des trucs pour faire des armures. Donc oui, c'était un peu la merdasse, donc il faudra sûrement qu'on se retape un petit lion dans un futur proche. Ouais. Mais on a déjà vu que... Le prochain event qui nous attend, on finira un petit peu à la fin, mais voilà, va être un petit peu corsé. Il ne va pas trop nous laisser le choix, puisque c'est un acte imposé. Retour au village. Et des belles ressources, pas mal d'os. Donc de quoi se crafter quelques armes. Un casque d'os. Tu t'es fait une hache, une jolie dague. Alors c'est ça, c'est que moi j'ai mis une hache parce que j'avais que ma nana qui tire aux fléchettes. Ouais. Du coup, je voulais lui donner une autre arme. Et du coup, c'est la hache. Et après, j'ai acheté autre chose. Non, ouais, j'ai acheté une dague. Ouais. Parce qu'elle fait pas beaucoup de... Elle vise mal par rapport aux autres armes. Par contre, elle attaque 3 fois. Et du coup, tu peux récupérer un point de survival. Et je peux si récupérer tu fais les points de survival. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment précieux en combat. Ça permet quand même de négationnisme, une... Je me désolidarise complètement des propos qu'il va dire. D'enlever une blessure. Oui. Non, c'est... voilà. Et du coup, peut-être que, par contre, le malaise ambiant et malgré le loot, un événement aléatoire est arrivé qui a conduit à une petite bagarre. Voilà, une dispute entre Noobza et JR, qui ont été... sélectionné par le hasard, toujours le destin. Ouais, on jette des dés, on fait pas des choix. Voilà, c'est pas nous qui décidons. À chaque fois qu'on dit voilà, il s'est passé ça pour un tel, c'était les dés qu'on décidait. Et du coup, ils se sont disputés. Et c'est quand même con, ils survivent à un combat contre une antilope, les mecs ils arrivent et ça se foutent sur la gueule en rentrant au camp. Alors voilà, donc ça peut être par rapport à l'antilope. Nous, on pense que c'est sûrement par rapport au caillou que nous a appris Scred. Et sans rien dire à personne, donc ils sont battus. D'ailleurs, est-ce qu'on a fait le moins 1 de déplacement pendant le combat de... Ah oui, là par contre, autant on a zoppé des trucs, et pas forcément que des trucs défavorables, surtout des trucs favorables. Mais non, celui-là, moi à chaque fois, de toute façon, elle se battait qu'aux fléchettes, donc elle bougeait pas beaucoup. Et donc ils se sont battus, ils ne peuvent pas participer à la prochaine quête. Bon, Noobza n'était pas prévu pour la prochaine, de toute façon, puisque On oublie, mais Noobza, oui, non, on oublie un truc, c'est que Noobza, elle est revenue avec un gros problème cérébral, puisqu'elle avait pris une très grosse blessure à la tête. Et du coup, là, j'étais obligé de choisir vraiment un gros malus. Et du coup, maintenant, elle a la phobie des objets tranchants. Donc, elle ne peut pas porter d'épée. T'as elle... tiré au hasard aussi, hein. C'était une carte. Ouais. Et du coup, je peux ni porter d'épée, ni porter de trucs qui tranchent, bref, hein, pas liste. Pas de couteau suisse. Voilà, couteau beurre, c'est toléré. Parce que voilà, elle a peur que les gens se coupent. Plutôt logique. Donc du coup, ça a niqué un peu mes plans de mettre une épée à la personne qui avait les fléchettes. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle n'était pas prévue pour le prochain combat. Et ça, elle le conserve à vie, hein. C'est comme la mâchoire en moins. Et là, Noobza commence un peu à nous faire chier, celle-là. Ah oui, elle est... Mais bon, elle est toujours en vie. Très bien. Et voilà. On a utilisé... en fait, c'était beaucoup d'os, donc on s'est fait quelques armes. Pas de possibilité de se créer des habits. Et du coup, comme on n'avait plus de pelt, de peau, on n'a pas pu non plus créer de nouveaux bâtiments. Non. Alors, on l'a fait aussi par choix, c'est-à-dire que les ressources qui étaient demandées pour créer ce bâtiment, on n'y a pas encore vraiment accès, donc on anticipait un petit peu, mais j'espère qu'on n'a pas fait une erreur tactique en faisant ça. En revanche, on a tiré une amélioration qui fait qu'on va partir avec plus de points de survie à chaque partie. Ouais. Donc ça veut dire dodger plus d'attaques, pouvoir relever nos petits copains un peu plus souvent. Voilà. Arrive la fin du showdown, et donc la prochaine quête... puisque c'est un événement qui s'appelle Nemesis, et on va se battre contre The Butcher. Ça veut dire pas de chasse, pas de pouvoir. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de trajet. Il nous attend à la sortie du village. Enfin, qui est plus ça, un il est devant, camping, il attend, hein. Et c'est The Butcher. Bon, j'ai égaré la figurine pour le moment, donc ouais, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'on a arrêté de jouer, pas d'autre choix. Mais par contre, non, du coup, ouais, le bon, village, c'est un petit truc, hein, c'est un petit hameau. Tout à fait. Par contre, événement important, nous étions 5. Nous sommes maintenant 6, puisque comme Jean-Robert ne pouvait pas participer, il nous a fallu prendre un nouveau novice. Et du coup, bah, que tu vas nous présenter. Tout à fait, qui s'appelle Basile. Tout simplement. Rien à voir avec le foot. Non. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que c'était sympa. Le foot. Et du coup, Basile, simple, hein, qui va être mon porteur d'épée fléchette qui va remplacer JR au combat. Donc, pas de malus, mais pas de bonus non plus à date. Ouais. Et le boucher nous fait un petit peu peur, vu la gueule du bordel. Ouais. Parce que l'illustration, en fait, sur le livre, présente le boucher comme une personne qui fait des qui découpe le visage de ses victimes pour en faire des petits photos forts. Comme quoi, comme des tyran et aimer la déco. Voilà. Eh bien, écoutez... On l'appellera Sustain Green. Mais par contre, alors, oui. Non, une dernière question. Non, s'il vous plaît. Je trouvais que mon nom... Non. Mais on ne peut pas vous laisser dire ça. Arrêtez. Mais le truc que je me disais, mais pourquoi le boucher nous en veut? L'antilope, on sait, il a expliqué ça en trois lignes en disant « Ah bah oui, et gobelin, et machin. » Le boucher, on sait pas, genre il est... C'est un des personnages du lore, on est arrivé comme ces gens, on sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait là. Genre il est berserk, genre le mec il est là, il veut c'est se bastonner la gueule avec pas tout le monde. Ouais. Je pense qu'il veut récupérer nos lanternes, parce qu'il en porte pas mal sur son dos. Ouais. Et nos visages pour en faire des jolis collages. Il veut nous photophorer la gueule. Il veut nous photophorer la gueule. Et je pense que ce sera le nom de cet épisode. Et là, par contre, c'est vrai qu'on a les mi... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment les miquettes de savoir... Enfin, c'est relatif, mais de savoir qu'est-ce qui va arriver à nos pauvres persos, parce que là, on a des... Ils sont pas très armés et qu'il a l'air de faire très très mal. Ouais, et puis on a quand même fait 3 quêtes avec, ils sont améliorés, ils ont des compétences, ils ont plein de petites compétences qui se développent et qui peuvent amener d'autres choses vachement bien. Et là, on se dit que le boucher, ça peut peut-être déjà écrémer le hameau, hein. Peut-être... Je veux dire, parce que si on perd nos héros, je ne sais pas si on récupère le... stuff, il faudra qu'on regarde. Je sais que s'il y a pas de survivants qui retournent, je sais pas si on récupère le stuff. Peut-être qu'ils vont quand même ramasser les merdasses après la mission. Ah, je sais pas. Mais on verra. Nous ne manquerons pas de le dire, par contre. Merci d'avoir suivi cet épisode. De rien. Il vous a été amené par aussi bon cru que cri qui le cru la margarine au bon goût de beurre. Oui. Notre sponsor de ce podcast. Et les gâteaux princes de cul. Les gâteaux prince de cul, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est long, hein. De quoi? Dis, il est long. Non, non, non. Oh merde, pas mes stops.